Exercice 4, page 26. A. Un pot de crème. Une brique de crème. B. Un bout de pain. Une tranche de pain. C. Un panier de fruits. Une salade de fruits. D. Un pichet de vin. Une bouteille de vin.